بعض الأمور فاعذروني وفقكم الله. طيب وهذا الدرس يعني بخلاف الدروس التي نأخذها يوميا التي نسميها بالدروس العامة، هذا الدرس يحتاج إلى حفظ وإتقان. هذا الدرس يحتاج إلى حفظ وإتقان. Donc ce cours là comprend des nawaqid de l'islam, contrairement aux autres cours qu'on a dans la journée, qu'on appelle des cours globales comme Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim ou al-Bayhaqi ou كذلك في التفسير. Je vous demande pas forcément d'apprendre tout par cœur et de maîtriser tout ce qu'on voit. Lakin ce livre-là, Nawaqid al-Islam, hada labd que chacun d'entre nous on ressort du cours et on ait maîtrisé le dars. Ou ala laqal on l'ait bien compris. Hatta ida raja'na ila al-bayt wa hasala muraja'a tayyiba فيسهل فهم هذا الكتاب. نعم. طيب يعني نواقض الإسلام عشرة، هل هناك عشرة فقط ولا في أكثر من عشرة؟ عشرة ولا في أكثر؟ فيها أكثر لكن العلماء جمعوا بعشرة. نعم يعني جمعوا العلماء أكثر من عشرة، لكن هذه العشر أصولها وأساسها. نعم. Donc les ulama ils ont regroupé beaucoup plus que ces 10 abrogations qu'on va voir dans ce cours. Mais en vérité ces 10 abrogations sont les bases de toutes les autres abrogations qui ont été rajoutées par certains ulama. نعم. طيب وأول الناقد الشرك في عبادة الله. نعم. والشرك كم أنواع؟ يعني هذا قد يقتل واحد. أو الشرك ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى قسمين. إلى قسمين. ما هما؟ الشرك أكبر والشرك أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفيف. لا هذا شيء آخر. يعني شرك خفيف الشرك يكشي، فهذا الشرك قد يدخل في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن فيما تقدمنا فيما مر بنا يعني الشرك نوعان الأكبر والأصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ تعريفه؟ تعريف الشرك الأكبر؟ أن تجعل لله ندا. نعم. وهو الذي خلقك. أي نعم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أحسن التعريف. لماذا نقول أنه أحسن التعريف؟ لأنه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح متفق عليه. من رواه؟ عبد الله بن مسعود. نعم نعم. طيب الذي ما يفهم العربية هذه مراجعة. ها ساس المراجعة كم فيه. Peut-être des fois on ne traduit pas tout parce que c'est une mouradja, ce n'est pas un truc nouveau. Si c'est un truc nouveau, Inch'Allah, on va tout traduire. Mais du moment que c'est une mouradja, ce que vous comprenez, Tabi wa ni'ma, et ce que vous ne comprenez pas, Inch'Allah, soit on l'a déjà vu ou soit ça va être répété dans le dars qui va venir, Inch'Allah. هذا شرك الأكبر وشرك الأصغر ما تعريفه؟ عندك بخير تفضل. وكل ما نهى عنه الشرع نعم يكون وسيلة للشرك الأكبر نعم وتسميته شرك أي نعم فهو كل ما نهى الله ها كل ما نهى الله وكان وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر وجاء في النصوص الشرع تسميته بشرك أنه شرك نعم فهذا هو الشرك الأصغر نعم طيب والعبادة تعرف العبادة يا محمد أبا هند تعرف العبادة الأحد الذي يحب الله نعم أو تبدأ اسم جامع نعم ها اسم جامع جامع لكل ما يحبه لكل ما يحب الله أيوة ويرضاه نعم من ماذا من يعينه بالأقوال والأفعال من أي من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة هذا هو تعريف العبادة ها من عرفه بهذا سكيك يا محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام هو محمد بن عبد الوهاب ولا غيره ابن تيمية أحسنت ابن تيمية هذا التعريف استفيد من كتاب العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك في الفتاوى نعم نعم طيب يا يونس هل دعاء غير الله شرك Est-ce que le oui, fait d'invoquer Allah autre qu'Allah, c'est du shirk Ou de demander de l'aide d'autre qu'Allah, c'est du shirk Alors là, c'est, ça dépend. Hein En cas général. Oui, okay. Mais c'est le cas pour remplir trois conditions. La personne a... Hein La règle générale, on peut pas... مي سي اون بو بو 43 كونديسيون لا 3 كونديسيون لا بيرسون اسوا بريزون كابابل احسن احسن فاذا سئلت هل الاستعانه بالله شرك بغير الله شرك او الدعاء لغير الله شرك لان الدعاء يعني قد يراد به النداء لو فات كي تابل كلكان سي دعاء عرفت si toi tu dis on dit est-ce que le fait d'invoquer autre qu'Allah c'est du shirk toi il faut que tu sois fatin il faut que tu répondes in kana al-mad'u si celui qui est appelé il est ghaib il n'est pas présent il n'a pas la capacité et aussi il n'est pas vivant fa hadha na'am hadha shirk mais s'il a la capacité s'il est présent si mada il est vivant هذا ليس بشرك طيب ليس بشرك إذا لم يعتقد في هذا شيئا زائدا donc c'est pas du shirk toutefois يعني ceci toutefois si on n'a pas une conviction dans cette personne je donne un exemple مثلا ma maison elle prend feu Ma maison, elle prend feu et je connais des frères qui peuvent venir me donner un coup de main. Taïb. Donc, je les appelle. Ils sont présents, ils sont vivants et ils sont capables. Taïb. Lakin, si moi, je pense que yani, c'est eux qui vont arrêter la présence du feu par leur présence ou autre que cela. Et yani, Allah, il n'a rien dans cette affaire-là. C'est ces personnes-là. Hada, c'est quoi ? C'est du shirk. Naam. C'est du shirk. Ça veut dire que même s'ils sont présents, ils sont vivants et ils sont capables, il ne faut pas qu'il n'y ait de croyance supérieure à cela. يعني سي دي سبب سي ان سبب سي ان كوز بس لو سمحت يعني مثلا كالمحامي يعني المحامي ايوه يعني انا عندي يعني قضيه ايوه اخذت محامي خاصه نعم اذا يمكن يعني نعم المحامي يعينك ولا شك و... وكذلك هو حي قادر ونعم هذا من ذلك هذا جائز نعم و... ولا ينبغي المحامي سي لافوكا انا بوكا نعم لكن لا ينبغي انه كما يفعلون هنا في فرنسا ان يكذبوا لاجل دفاع عن عرفت نعم Par exemple, si on dit quelque chose pour Allah, bon, moi, l'exemple, c'est pas loin. Il y a quelqu'un, toujours, quand je garde ma voiture, la personne vient verser les œufs dessus, ou du lait, tout ça. Moi, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Lui me dit, tu n'as pas qu'à dire, Hasbun Allah, on est mal wakil. Bon, Hasbun Allah, on est mal wakil, comment il faut l'employer? Parce que moi, je dis, si je vais garder la voiture chaque fois, je le dis, ou comment il faut faire? Bon, parce que moi, je ne peux pas. Dit la personne, mais ça me fait mal tous les jours. Je lave la voiture avant-hier, hier j'ai lavé. Bon, je dépense l'argent. Alhamdulillah, il ne passe même pas les pare-brise. Vraiment, si j'ai un moyen, je voulais que la personne vraiment qu'il cesse sans ce que je vous dis. Elle a fait là où on a mal accueilli. Comment je dois employer ou laisser un autre mot pour contrecarrer la personne? Là, là, là, dhikrun tayyib. C'est une évocation, c'est l'évocation d'Allah. Et l'évocation d'Allah, c'est parmi les meilleures des protections contre le mal des créatures. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كان يقول كل صباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الذي لا يضر باسمه شيء أو مع اسمه شيء. فنعم بسم الله أو حسبنا الله أو يعني كل ما كان من الأذكار يصلح في هذا الحال نعم ما هناك يعني الذي ننصح أنفسنا وغيرنا هو القيام بالأذكار أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وكذلك الأذكار عند خروج من البيت وعند الرجوع من البيت كل هذا نافع لفد فقس أذكار لأذكار qui sont venus selon la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام لأذكار du صباح لأذكار du مساء du soir et aussi celle que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait quand il sortait de chez lui بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لما يخرج من البيت فأجيب الذي يقول هذا كما جاء في الحديث qu'il entend ou une voix lui dit qu'il est protégé lorsqu'il dit ce genre d'invocation فهذا هو يعني في مثل هذا الحال الأذكار طيب ونحن نغفل كثيرا عن الأذكار وكلما غفلنا عن الأذكار كلما ضعف الإيمان وكلما تذكر الله عز وجل كلما قوي الإيمان الآن لو نسأل يعني عن أذكار النوم ربما الكثير يغفلون يعني beaucoup de gens ils sont insouciants sur le fait de faire les أذكار du sommeil avant de dormir وكذلك الأذكار عند اللباس lorsque on s'habille on met un nouveau vêtement هناك أذكار نعم على الأقل تقول بسم الله لما تلبس الشراب أو السراويل أو القميص تقول بسم الله وهذه فيه بركة وكثير منا والله المستعان ننسى هذا فيعني نسأل الله أن يعيننا على طاعته طيب بقي مسألة. طيب التكفير ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ نعم، التكفير المطلق والتكفير المعين. نعم، التكفير المطلق يا عبد الملك ما هو؟ تعريف. هاي هو حتى الذي فهمته أنت. تكفير على مثلا تفضل يا محمد. تنزيل الحكم على الذي على من فعل هذا؟ لا، على ليس خاص يعني. اي هو كما قال تنزيل الحكم على ماذا؟ على الفعل او القول. يعني التكفير المطلق lorsque tu dis une personne ou tu dis d'une personne qu'elle est sortie de l'islam. تكفير المطلق يعني c'est le fait de dire que cette œuvre ou que cette parole fait sortir de l'islam. هذا c'est du takfir. هذا c'est ça sous-entend le fait de faire sortir une personne de l'islam. طيب يعني lorsque tu dis من فعل كذا فهو كافر او كفر. Celui qui fait une telle chose, il a certes mécru. Ça c'est un takfir mutlaq. Pourquoi? Parce que t'as pas rendu mécréant la personne, mais t'as rendu mécréant, c'est-à-dire son œuvre. Son œuvre, c'est-à-dire par exemple, man sajada li ghayrillah. Hada takfir ايش? Man sajada li ghayrillah kafar. Hada mutlaq. Man ماذا? Man sabba rasul Allah fa hada kufr. Hada ماذا? Mutlaq. Pourquoi? Parce qu'on a fait descendre le jugement de la mécréance sur les paroles ou sur les œuvres. Pas sur la personne qui a dit ces paroles-là. Ni sur la personne qui a fait cette œuvre-là. Vous voyez? Lakin, lamma naqul Zaydan sajada li ghayrillah fa kafar. Hada Zaydun. زيد سجد لغير الله فكفر. هذا تكفير ماذا؟ معين. عيناه. On a précisé c'était qui. Et le c'est-à-dire ce jugement là il est descendu sur une personne en particulier. Non. Donc certaines sectes qui ne comprennent pas ce genre de masael, ils vont prendre des paroles de certains savants, de certains imams. Par exemple, une parole de Cheikh al-Islam qui dit « Celui qui change toutes les lois est un mécréant. » Hala, c'est un takfir. Ça, c'est un takfir mutlaq. Ahsan ti Hamza. C'est un takfir mutlaq. Eux, ils vont prendre cette parole de cet imam et ils vont dire le président Intel a mécru. Pourquoi? Oui, parce qu'on a des paroles d'imam sur l'islam ou autres qui disent qu'il a mécru. Alors que la parole de sur l'islam, elle est descendue, ou c'est un jugement qui s'applique à une œuvre ou à une parole et non pas à une personne. Et eux, ils l'ont appliqué à une personne. Et ils l'ont appliqué à une personne. Voilà, غلط. Et ceci est une erreur. نعم. طيب. نعم. فإذا التكفير المطلق هو تنزيل الحكم بالكفر على الفعل أو القول. وأما تكفير المعين فهو الحكم بالكفر على الشخص بذاته. نعم. طيب دخلنا في شروط التكفير المعين. Et pour rendre une personne précise mécréant, il y a certaines conditions. من يذكر ما تقدم؟ عندك يا محمد. Qu'il a atteint la puberté. Quelle est la raison? لحظه. انتظر. Qu'il a atteint la puberté. ايش الدليل؟ احسنت يا حديث. لابد يعني هذا الدرس ناخذه حتى ce درس là faut qu'on le prenne avec une très bonne compréhension et aussi en ayant chacun des preuves. Si jamais demain t'as une munaqasha ou une kalam avec quelqu'un, لابد que tu lui dises ou que tu lui donnes les preuves. Omaro. إيه رفع القلم عن ثلاث ومنها الصبي حتى يبلغ نعم وكذلك donc la puberté c'est par rapport à ce hadith que يعني la plume a été levée sur trois catégories de personnes et parmi ces personnes l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté نعم donc la puberté. La raison. C'est le même hadith. Le hadith رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعي. Aussi يعي أو يعقل كل هذه يعني واردة. يعي بمعنى يعقل. نعم. Donc le hadith il dit aussi dans les trois catégories de personnes dont la plume est levée le fou, la personne qui est folle jusqu'à ce que son esprit lui revienne. طيب الى هنا يعني عاقل بالغ. نعم celui qui le fait volontairement متعمدا وهل هكذا. C'est celui qui choisit de le faire. On a vu la différence. نعم والمختار له مختار له نعم والمتعمد عند الدليل الله أعلم تفضل. أنت عبدي وأنا ربك وقال رسول الله فاخطأ بشدة الفرح. نعم أحسنت. هذا حديث أنس وحديث عبد الله بن عباس تجاوز لي إن الله تجاوز لي الخطأ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقروا عليه. نعم فهذا دليل يعني دليل الباب أو أدلة الباب. Pour la quatrième, Mokhtar, on l'a. Eh, Naam. On l'avait pas lu hier. Hein? Non. Taïb. Man, y'arrive au Khabla Nakhra. Surat al-Ma'ida. Surat al-Nah. Mutma'innun bil-Iman. Naam. Hada huwa al-Dalil. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الآية إلي descendu sur qui نزلت على يسار بن عمر عندما يعذب الكفار عن ياسر بن عمر أو عن عمار بن ياسر عمار بن ياسر نعم فهذا الصحابي الجليل عذب في بداية الإسلام. donc c'est un compagnon Ammar ibn Yasir qui a été éprouvé au début de l'Islam. il fait partie des 10 premiers à avoir embrassé l'Islam et il a été fortement éprouvé au début de son Islam, lui et ses parents. نعم فأمه سمية. donc sa mère c'est Soumeyya et son père c'est Yasir. Les mouchriquins, ils ont torturé Yanni tout le monde, lui et ses deux parents. Et ils ont tué sa mère, comme vous savez, qui fait partie des premières martyrs dans l'islam. Après, ils ont tué son père. Et lui, ils l'ont torturé jusqu'à ce que il a craqué, il a dit des paroles de mécréance. Et donc le verset, il est descendu sur lui. Le verset qui dit, selon une traduction appropriée, approximative, et celui qui mécroit en Allah après que la foi lui soit venue, sauf celui qui est contraint, bien que son cœur est apaisé par la foi. Donc celui-là, il n'a nul grief sur lui. Tamam. نعم ثم قلنا شروط انتهينا من شروط في الفاعل donc ça c'est si jamais je vous demande dans les dros à venir c'est quoi les شروط في تكفير المعين c'est quoi les conditions pour rendre une personne mécréante il faut me dire d'abord il y a des conditions sur l'auteur concernant l'auteur de la parole ou du fait ensuite il y a des conditions concernant le faire l'action ou la parole. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. نعم. طيب شروط في الفعل او القول. في الفعل او القول الكفري. من عنده الله يبارك فيك. في الفعل أو القول الكفري نعم طيب قال أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أكبر أو شرك أكبر donc que cette action ou cette parole elle soit confirmée par des preuves de la législation c'est-à-dire du kitab et de la sunna que c'est bel et bien une action ou une œuvre de mécréance, une parole ou une œuvre de mécréance. Mufhoum? Na'am. Si quelqu'un vient et dit celui qui regarde durant le ciel, celui qui regarde au ciel pendant sa prière, c'est du kufr. Si quelqu'un vient et dit ça, ça ne sera jamais pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dalil, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui indique cela. Ma foi. Donc la parole ou l'œuvre, elle doit obligatoirement avoir une indication qui prouve que c'est de la mécréance, soit dans le Coran ou soit dans la Sunna. قال العلامة ابن العثيمين فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفرا بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر donc si ce n'est pas confirmé que cette parole ou que ce faire ou que ce délaissement fait partie de la mécréance par une preuve provenant du kitab ou de la sunna alors il n'est pas permis de juger sur cela ou d'appliquer le jugement de la mécréance sur cela c'est-à-dire sur cette parole ou sur cette œuvre. لأن ذلك من القول على الله بلا علم. Car ceci sous-entend le fait de dire une parole contre Allah sans science. نعم. طيب. ثانيا أن يكون هذا الفعل المكفر مما ذكره أهل العلم أنه فعل أو قول مكفر مخرج من الملة. Donc, aussi, si par exemple, il se peut qu'il y ait des œuvres qui n'ont pas été mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Lakin, si les savants, ils sont unanimes pour dire que ceci est du kufr, فَنَعَمْ يُؤْخَبْ ذَلَكْ مَفْهُمْ نَعَمْ طيب, وَكَذَلِكَ وكذلك يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر. Donc, intayana, il faut que ce soit une œuvre qui est indiquée soit dans le Coran, soit dans la Sunna, ou soit que les savants ont dit que ceci est une œuvre de mécréance ou une parole de mécréance. Non. Ou soit, et aussi, il faut que cette parole ou cette œuvre, elle soit claire. Elle indique clairement la mécréance. Elle indique clairement la mécréance. Cette parole ou cette œuvre. Donc, en guise d'exemple, qui c'est qui a un exemple d'œuvre qui est clair? Ça, c'est du coffre. L'abandon de la prière. À la hisab. À la hisab. Non, ça ne va pas rentrer dedans parce qu'il y a un khilaf. L'adoration des tombes. L'adoration des tombes. Maintenant, une personne, elle vient, elle se prosterne pour la tombe. Ça, cette œuvre-là, c'est clair, ça ne sous-entend rien d'autre. C'est clair. Et parmi les paroles, quelqu'un qui va dire Ali, radiallahu anhu, c'est Allah. كما زعموا بعد الرافضة ها ساسي دي شرك واضح تمام ساسي كلير وهناك بعد الأفعال وبعد الأقوال محتملة يدي شوز كي سون كونفوز يدي بارول و دي زوفر كي سون كونفوز سوا elles sous-entendent le كفر ou soit elles sous-entendent son contraire. C'est-à-dire, on ne va pas dire son contraire, mais soit elles sous-entendent le kufr, ou adam, ou non. Mithl. Kama bawaba l'imam al-Bukhari fi sahihi. Quelqu'un, il vient, il est dans une mosquée où il y a une tombe, où il est dehors même. Il est dehors. En face de lui, il y a une tombe. Mais lui, il est en direction de la Qibla. La Qibla, elle est comme ça. Là, il y a une tombe et lui, il prie là. À partir de là, on ne peut pas savoir. Est-ce que lui, il prie pour Allah Azza wa Jal en direction de la Qibla, ou lui, il prie pour la tombe? Pareil, s'il y avait un feu ou quelque chose comme ça. S'il y a un feu, maintenant. Est-ce que lui, il prie pour adorer le feu, ou est-ce qu'il prie pour adorer Allah? Là, c'est plus clair. Du moment que ce n'est pas clair, là, on n'est pas capable de juger sur quelque chose. Mafhoum ? Du moment que ce n'est pas clair, on ne peut pas poser sur cette personne-là un quelconque jugement. Naam. Mais là, on va regarder c'est quoi les indices. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour être un majous ? Majous, c'est les adorateurs du feu. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour être une personne la sunna ? Donc, avec les indices, on va pouvoir être éclairé. Al-Muhim, ce que vous allez retenir, c'est que si les œuvres elles sont claires, ce que ça montre que c'est du kufr, alors à partir de là, le jugement du kufr peut descendre. Mais si c'est des œuvres qui ne sont pas claires, alors le jugement de la mécréance ne peut pas être appliqué. Ça, c'est dans les œuvres. Maintenant, dans les paroles qui sous-entendent du kufr ou non. Dans les paroles, il y a le fait, par exemple, on va dire, Haroun, il fait partie de Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, c'est les descendants de la tribu de Quraysh et les descendants du prophète, alayhi salatu wassalam. Si moi, je dis, j'insulte les ancêtres à Haroun, فيهم رسول الله أليس كذلك وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر le fait d'insulter le prophète c'est du kufr. طيب mais là moi j'ai dit ouais tes ancêtres qu'Allah les maudisse ou qu'Allah كذا وكذا هذا soit il vise le prophète صلى الله عليه وسلم ou soit il vise ses ancêtres soit son grand-père à lui soit son arrière-grand-père ou des gens comme ça. Donc là c'est pas clair, on peut pas s'arrêter à cette parole pour dire que ça c'est de la mécréance. Donc Ça, c'est une brève explication de cette partie-là. Donc, il faut que, absolument que l'œuvre ou la parole, elle soit claire. Elle indique clairement la mécréance. Sans... وَكَذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ التَّكْفِيرِ. Et aussi, il fait partie des conditions du takfir al-mu'ayyan. ثُبُوتَ الْكُفْرِ أَوْ الرِّدَّةِ عَلَيْهِ ثُبُوتًا شَرْعِيًا بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ. Yani, parmi les shurut aussi, que qu'on doit confirmer que cette personne-là, elle a bien fait cette œuvre, ou elle a bien dit cette parole de mécréance. Ceci, ça doit être confirmé d'une manière que la législation a autorisé. Thubut al-kufr ou al-ridda. Thubut al-kufr ou al-ridda. عليه ثبوتا شرعيا بطريق صحيح. Le fait de confirmer que cette parole ou cette œuvre a bel et bien été dite par cette personne. Comment ça on va confirmer cela? بطريق. Comment on va confirmer que cette personne là elle a bien dit cette parole là ou elle a bien fait cette œuvre là, cette œuvre ou cette parole qui est des témoins. Ahsan. Combien il en faut? 4. Jamil. C'est هذا كلام l'imam al-Basri. Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, dans cette mes'ala, c'est le seul qui dit qu'il en faut 4. Mais sinon, c'est 2 témoins. C'est 2 témoins. Soit c'est avec le témoignage de 2 personnes, parmi les musulmans, adilin, ou soit c'est avec la reconnaissance de la propre personne. Si cette personne-là, elle dit oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai fait ça. Elle a reconnu sur elle-même, là, on n'a même pas besoin de témoin. Du moment qu'elle a reconnu. Vous avez compris? Non. فَكُلُّ هَذِي مِنَ الشُّرُوتِ مَا تَسْتَطِعِ تَيَعْنِي. Et c'est des shurut qui sont valables aussi dans فِي التَّبْدِيعِ وَفِي التَّفْسِيقِ. Donc ces shurut-là, ils doivent être applicables dans ces autres chapitres. Est-ce que de nos jours, les audios, ça marche, les audios, s'il n'y a pas de... Les audios, c'est comme... Les audios, voilà, les audios, c'est comme si... Akar allait. Fil ghalib. Tu vois, les audios, c'est comme s'il avait reconnu sa propre personne. Et c'est pourquoi l'ulema, qad kaffaro adadan min al... Une seule parole de kufr? Ouais, il faut vraiment des actes. Là, que ce soit une parole ou que ce soit autre, Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تعتذر وقد كفرتم بعد إيمانكم. Pour des gens qui ont dit une parole. Il leur dit ne vous excusez pas, car certes vous avez mécru après avoir eu la foi. Et la parole après avoir eu la foi, ça montre que ces paroles sont sorties de personnes qui étaient musulmans. Et que ce n'étaient pas des munafiqs. Qu'il y a un khilaf sur cette masale. Al-Muhim, sauf un atkoura, Inch'Allah. Al-Muhim, vous retenez ça. Il y a. Ma yakbal. S'il n'y a qu'un seul témoin, ma yakbal. La bouddha min shahide in adilin. Parce que si maintenant la personne, lui, elle réfute, elle dit non, j'ai pas dit ça. Ou j'ai pas fait ça. Là, tu viens avec tes 2 témoins. Si t'as pas tes 2 témoins, khalas. البينات على المدعي واليمين على من انكر. C'est un asl aussi parmi les usul de din qu'on va voir dans l'arba'in nawawiyya. La preuve le hadith اليمين على من طيب ايش نسيت اليمين على المدعي وماذا سبحان الله كان ما سبحان الله طيب لو دعا الناس لو دعا الناس لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينات على المدعي. celui qui prétend une chose, il doit venir avec la preuve. Moi, j'accuse Bilal, مثلا. Moi, je dois venir avec la preuve. وَلْيَمِنْ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. Et celui qui réfute cette preuve-là, il jure. Et une fois qu'il a juré, خلاص. مَا بِلَّا تَسْمَعَ الْكَلَامِ. Tu prends son jugement, c'est-à-dire le fait qu'il ait juré, ou خلاص. مَشِي حَالَ. Si les deux jurent, on regarde c'est qui le mudda'i, c'est qui celui qui est Ankar. Est-ce que dans ce cas-là, il ne faut pas que les deux personnes, ou les deux personnes, ils disent que celui d'entre eux est bon, la main il se passe à la main. Là, il n'y a pas de la. Parce que le hadith, c'est un nas. Tu vois. Al-Yamin ala man kara. Le compagnon, quand il a entendu ce hadith, il a dit, mais Rasulallah, tu ne vois pas que s'il jure, il fait pas attention, il a pas d'honneur pour Allah Azza wa Jal, le fait de jurer pour Allah, c'est là, ça ne le fait pas peur. Il va manger mes terres. Le prophète Azzam, il a dit, celui à qui va manger du bien d'un croyant, biyamin, yalqa Allah wa rabbin. Il va rencontrer Allah et Allah sera en colère contre lui. فنحن هكذا هذا الشرع ليس لا يقبل الحماس والحمية إنما العلم والعمل والطاعة. Donc ça c'est une religion qui se prend pas avec le hamas, les sentiments et l'effervescence là, l'énervement ou quoi. Non, mais c'est une religion qui se prend avec l'ilm. Donc inshallah نكتفي بهذا القدر. دونك نعم فتثبت بأحد الأمرين الإقرار أو الشهادة أو شهادة رجلين مسلمين عادلين et aussi les témoignages de ces deux personnes, ça doit être des personnes musulmanes. Tu viens pas avec un kafir pour attester sur une, parce que le kafir لا حرمة له. هو أبعد الناس عن الصدق. نعم فلا بد أن يكون هذين رجلين مسلمين سواء ذم مسلمين وكذلك عادلين et que ce soit des gens qui sont caractérisés par la justice عادلين. Et inshallah demain au درس الجاي سنأخذ تعريف العدالة. ما هو العدالة؟ C'est quoi la une personne qu'on qualifie de juste؟ عدل. Par rapport au tabir, il y a une règle qui dit que si la personne allait pour prendre la bid'a café, on ne lui met pas le coup. Il n'est pas râle. Il prétend à Allah Azza wa Jal, mais c'est une bid'a qu'il fait. Ouais. Mais il ne le sait pas. Ouais. Est-ce que ce hukm-là, il rentre dans le kufr moyen ou pas? Répète. Un, il fait une adoration. Il prétend faire une adoration, mais c'est une innovation. C'est une innovation. Et il ne le sait pas. Mais il ne le sait pas, ouais. Est-ce que ça rentre dans le même groupe que le kouf moyen? Dans le sens où lui, il fait du kouf, mais il ne le sait pas. Par exemple, Men yahlif bi ghayrillah faqad kafar. Ashrak. Faqad ashrak ou kafar. Wahid yahlif ala ummi wala. Wa huwa la yadri. Wa ma yadri. Ça rentre dedans aussi? Ça rentre dedans. Donc il y a plus que trois règles dans le couche moyenne. Il n'y a que ces trois-là. Là, il y a ni. Là, Baqiya. Baqiya, a'azam chey. Huwa iqamat al-hujja. C'est-à-dire, iqamat al-hujja, c'est à partir de là qu'il n'y aura plus d'excuses. Parce que là, tu me dis, il ne sait pas. Celui qui ne sait pas, là, il y a khad alayh. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas dire, ouais, quelqu'un, il est kafir ou il est mubtadi' ou il est kada parce qu'il ne sait pas. Mais là, ça va venir dans les shurouts. Le plus grand des shurouts, c'est iqamat al-hujja. Et il y a un grand khilaf fi mas'alat iqamat al-hujja. C'est, yani iqamat al-hujja, c'est le fait d'expliquer ou de, d'établir la preuve sur celui qui fait un acte de mécréance. Maintenant, tu vois quelqu'un, il fait un acte de mécréance. Toi, tu peux pas le kafar mubasharatan. Il faut que la preuve lui soit venue. Ou que tu t'assures que la preuve lui soit venue, que ça, cette œuvre-là...